On est sûr? Ouais, c'est sûr. Dis-moi, on n'est pas bien là? On est bien. Même Tiger Woods, il donnerait des millions pour faire du golf sur le toit d'un immeuble. On est tarpin bien là. Ouais, tarpin. Strike! Y'a tarpin, problème, plus de solution. Tarpin, envie de voir mes frangins en permission. Poto, lève la tête et avance. Dis-toi que contrairement à d'autres, on a tarpin chance. On est tarpin fou, mais tarpin hnin. Improve tarpin chou en mini Austin. Tahiel, Zazayel, gros pour les miens, j'ai tarpin d'estime. Giuseppe Zanucci, j'ai tarpin le style. C'est Marseille City Beach, capitale de l'ambiance. Allez bébé, rejoins-moi sur la piste de danse. Ce soir l'équipe, c'est tarpin cool. On a posé les bouteilles et okay. Le temps est cool. Tarpin flow, tarpin fluide, tarpin chaud, c'est ma vie. Tarpin sub, tarpin flic, les gens viennent, les trafics. Un beau clip, beaucoup de clics, tarpin chic, ma la calife. Fond vers la savine, Marseille c'est magique. Tarpin généreux, tarpin beau gosse. Tu gèles sur les cheveux, en gros gamos. Vouloir la vie de rêve, on est tarpin. Tarpin, tarpin. Tarpin généreux, tarpin beau gosse. Tu gèles sur les cheveux, en gros gamos. Vouloir la vie de rêve, on est tarpin. Tarpin. Y'a tarpin de rappeur que des mythos. Y'a très peu de vaillants, tarpin d'héro. Y'a trop de vécu donc forcément tarpin d'espi. Tarpin d'ennemis, très peu d'amis. Mais Hamdoudou toujours des frérots qui se marient. Location bank, les panas Ferrari. Les fous rires, les barbecues au bas de nos tours. Et pour la gloire et la richesse, j'attends mon tour. On veut la vie de rêve, on veut faire tarpin tout. Penser dans le quartier, mode piscine, barbecue. Fais péter la chicha, Hollywood, mon zincou. Une pensée pour les frères disparus, yeah, yeah. Tarpin de respect pour nos mères, nos mamas ont souffert. Un petit frère réussi, le daron tarpin fier. Le bonheur en sursis, le quartier nous endurcit. Y'a tarpin de drame, mais y'a tarpin d'amour aussi. Tarpin généreux, tarpin beau gosse. Tu gèles sur les cheveux, en gros calmos. Vouloir la vie de rêve, on est tarpin. Tarpin, tarpin. Tarpin généreux, tarpin beau gosse. Tu gèles sur les cheveux, en gros calmos. Vouloir la vie de rêve, on est tarpin. J'oublierai jamais d'où je viens, ma ville je l'aime tarpin. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quartier nord, quartier sud, CV, on est tarpin. Yeah, yeah, yeah, yeah. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, solidaire tarpin. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sous son manin, stagé, cousin, tarpin. Tarpin généreux, tarpin beau gosse. Tu gèles sur les cheveux, en gros calmos. Vouloir la vie de rêve, on est tarpin.